On va parler de hockey senior. Les constructions de l'avenir sont à une victoire de remporter les grands honneurs de la Ligue. Et ça pourrait se faire jeudi soir au complexe sportif du secteur de Rebaud. On va parler avec Billy Ménard, le défenseur de l'équipe. Salut Billy! Allô, Danny. Billy, écoute, ça a quand même bien été cette série-là contre Wendake. Oui, vraiment, là, on a eu des bons matchs. Se sont soldés par des résultats assez serrés, donc comme le dernier en prolongation. Donc, c'est vraiment une belle série. Donc, trois victoires en ligne. Donc, on pourrait terminer ça ce samedi, là, soir à 20h au centre complexe Desjardins à Delbeau. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir le faire devant nos partisans. Donc, c'est ça, des trois belles games. Donc, on est bien contents là, jusqu'à maintenant. Ce serait vraiment un bel accomplissement parce que ça fait quand même 3 ans que la Ligue, vous avez dominé, vous avez allé aux 2 reprises, vous avez échoué. Donc ce serait vraiment une belle réussite cette année-là. Oui, vraiment. Là, en fait, les 2 premières années, on a perdu la première année contre Charlevoix, le 7e match de la finale. Puis l'année suivante, on a perdu contre Saguenay en 7e match aussi, là, en finale. Puis la 3e année, malheureusement, les séries ont été annulées là, en raison de Ouais. la pandémie. Fait que, tu sais, on peut vraiment là, espérer avoir une victoire là, cette année et on pourrait oublier les 2 premières défaites. OK, qu'est-ce qui a fait la différence? Ben évidemment, quand tu gagnes 2 fois à l'extérieur et que tu reviens à la maison, c'est ça qui est c'est vraiment, vraiment, ça a donné un bon coup de pouce certainement, là. Oui, ben qu'est-ce qui a aidé? Ben premièrement, c'est, tu sais, on sent qu'on est tous rassemblés ensemble, donc on est soudés comme on dit là. On est une équipe vraiment, tu sais, on a des très bons joueurs, des marqueurs vraiment qui ont des bonnes habiletés individuelles, mais en plus de ça, tu sais, au niveau collectif là, disons qu'on pousse tous dans la même direction, puis ça paraît aussi là sur les résultats de match. OK. De l'autre côté, est-ce qu'ils ont quand même eu une équipe complète, Wendake, dans l'ensemble? Oui, quand même, là, ils ont pas mal tout leur monde, là, je dirais, là, fait que c'est vraiment. Puis tu, nous, de notre côté, on est quand même, on joue pas mal normalement autour de 3 trios, 4 ou 5 défenseurs. Fait que tu sais, c'est pas mal nous, notre même chose de notre côté. On est pas mal avec nos mêmes joueurs là, tout le long des 3 games, mais même chose de leur côté, ils n'ont pas vraiment de blessures ou d'absents également. OK, si on parlait maintenant du côté donc de ta saison en général, après la COVID, tu sais, ça a été longtemps, là, ça a-tu été dur par la suite de revenir Oui. oui, ça a-tu été dur après Ah la oui, pandémie? ben effectivement, tu sais, en fait, là, disons qu'après un an complet d'arrêt, là, même tu sais, un an et demi, là, pratiquement, parce qu'on a arrêté au mois de mars, puis on a recommencé au mois d'octobre, ça a été difficile, mais tu sais, en même temps, quand on se compare, ben tu sais, on est tous dans le même bateau, là, dans le sens que tu sais, tous les autres joueurs des autres équipes, c'est la même chose. Fait que tu sais, c'est comme ça qu'on se convainc. Fait que tu sais, ça a quand même bien décollé quand même. C'est sûr que le 2 mois qu'on a arrêté là, de décembre à février, ça a fait mal aussi. T'sais, on le sait que t'sais, là, on s'est ramassé avec 2 équipes. Donc, t'sais, ça a fait mal également. Mais t'sais, je dirais comme joueur, moi, de mon côté, ça va bien quand même. Là, on essaie toujours de rester actif le plus possible. OK. Donc, la Ligue, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Ligue, hein? Je pense qu'Alma s'est retiré, Saint-Bruno, puis Saguenay, je pense. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé, hein? ben en fait du côté de Saguenay, eux il y avait un manque là, flagrant là, au niveau de joueurs. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ben là on se ramassait à 3 équipes. Puis là du côté de Saint-Bruno, eux ils ont décidé qu'ils embarquaient pas à 3 équipes. Donc tu sais c'est certain qu'on a été surpris de la décision là, de leur côté, là, considérant du fait que on parlait d'un tournoi à 3, donc avec une ou 2 games chacun compte. Mais même que c'était c'est eux qui avaient proposé ça, mais en réalité, là, finalement, ils ont décidé qu'ils n'embarquaient pas. Puis, mais tu sais, nous, de notre côté, Ça avec va-tu? Wendake, ben, on voulait une série, puis finalement, on en a eu une. Ok, tu penses-tu, selon toi, ça pourrait faire mal ça pourrait faire mal vraiment à la saison, je veux dire, à la ligue comme telle, là? Ben, tu sais, en fait, là, c'est certain que c'est pas évident, mais tu sais, honnêtement, Saint-Bruno, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que tu sais, si. De leur côté, si on est au moins 4 l'année prochaine dans la Ligue, ben, ils vont débuter. Fait que, si, dans le fond, ils vont débuter la saison, ils vont réintégrer la Ligue. Fait que, c'est toujours embêtant, là, dans le sens, le senior, c'est toujours été, quand ça peut être difficile des, parfois, mais ils sont ouverts là, à rembarquer dans la Ligue là, dès l'année prochaine. Donc, si on a une quatrième équipe qui est là, ils parlent même d'expansion. Donc, ça pourrait être un. Okay. Il y a quand même des bonnes chances que ça redécolle. OK. Ben, Billy, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo, puis au plaisir de se parler. Ben, mais merci beaucoup. Le défenseur des constructions de l'avenir, qui est à une victoire de gagner les grands honneurs, Billy Menard.